التكافل الاجتماعي موجود في الاسلام que les charges sociales sont prises en compte existent dans l'islam. Hein? Cela est pris plutôt cela existe en islam. Les koufars ne l'ont pas inventé. Voilà en islam. D'ailleurs les koufars eux, vous le voyez quand les parents ils deviennent vieux, qu'est-ce qu'ils font avec eux? Et Allah, iPad comme ils appellent ça, ils ont de retraite. Ils se débarrassent. Ada uquq hada. Ada uquq hada. Mais généralement le uquq que les parents subissent, c'est souvent que eux-mêmes l'ont fait subir à leurs propres parents. Et plus tu feras subir à tes parents, et plus tes parents, tes enfants te font subir à toi. D'accord? Plus tes parents. J'ai raconté une histoire d'une femme qui était dans une maison de retraite. Et elle était elle arrivait en fin de vie, sur le point de mourir. Et son fils venait lui rendre visite. Elle lui a dit, c'est l'un des machins qui nous a raconté l'histoire. « Oh mon fils, il faut que tu achètes un réfrigérateur. » Et il a dit « Pourquoi ?» Il dit « Maintenant, tu me demandes ça, pourquoi tu n'as pas dit avant et casa et casa et casa ?» Il dit « Parce que moi, j'ai peur que si tu ne fais pas cela aujourd'hui, demain, tes enfants ne te mettront même pas de l'eau fraîche. » Tu vois ? Pour lui dire « Toi, tu n'as pas fait cela, toi, tu auras encore moins que cela par la suite. » Tu vois encore moins que cela par la suite. Et Kadhali qui a raconté l'histoire d'un homme qui frappait son père. Il frappait son père. Et il lui a dit, ce père, dans le sens, tu me frappes, et là, je crois qu'il le frappait, le traînait vers la porte. Tu me frappes aujourd'hui, et tu m'emmènes vers la porte, demain ton fils se mettra à la rue. Ton fils te frappera, moi c'était la porte, ton fils mettra à la rue. Et ça n'a pas raté. Son fils, par la suite, à cet homme qui frappe son père, a agi de la sorte comme ça avec lui. Donc, comme tu le vois, ça se répète et ça circule. Ce que tu as fait tes parents, tu le subis en décuplé par la suite. Donc aujourd'hui, tu vois les koufars qui subissent dans, comme on en parlait, les autres retraites ou quoi, c'est qu'eux-mêmes, n'ont pas été bienfaisants vers leurs propres parents auparavant. Et ainsi de suite. Et ceux qui mettent leurs parents aujourd'hui dans les recettes, tu verras demain ce qui va leur arriver à eux. J'avais vu une femme qui se plaignait des maisons de retraite. C'est un scandale et tout, casa, casa. Le scandale, c'est toi. Elle se plaignait des employés de la maison de retraite. Ils traitent mal ma mère, ils ne s'occupent pas bien d'elle, et casa, et casa. Le scandale, c'est toi. Qu'est-ce que ta mère, à la base, a fait à la maison de retraite? Alors que tu es vivante, et en bonne santé, tu pourras prendre à ta charge. Ce qui est scandaleux, c'est toi à la base que tu l'as mise en maison de retraite. Et non pas les employés qui eux sont payés pour ça, c'est pas leurs parents. T'es pas contente, comme ils vont dire l'employé, prends ta mère, mets-la chez toi, occupe-toi d'elle. Et ça tu le verras, c'est... Même dans plein de pays d'Afrique aujourd'hui, il n'y a pas ça. Ça c'est souvent en Amérique et en Europe. D'accord? Ça commence à se propager un peu, mais chez les musulmans tu verras pas ça. Ou très très peu. Et les pays d'Afrique aussi pareil. Tu verras très très peu. Les parents ils sont respectés grave. Le père, même s'il est âgé et courbé, il n'y a personne qui rigole avec lui. Il est respecté. La mère, pareil. Alors aujourd'hui, dans les autres pays, c'est devenu l'enfant, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que tu verras l'esclave mettre au monde sa maîtresse. Voilà, on le vit aujourd'hui.